Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Le secret de Marie sur l'esclavage de la Sainte Vierge, de Saint-Louis-Marie, Grignon de Montfort. Introduction. Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris et que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien ni nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit, à condition, premièrement, que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent par leurs oraisons, leurs aumônes, mortifications, persécutions et zèle du salut des âmes et détachements. Que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste, car ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés, sans travail, car mon secret vous deviendrait poison et serait votre condamnation. Troisièmement, à condition que vous remercierez Dieu tous les jours de votre vie, de la grâce qu'il vous a faite de vous apprendre un secret que vous ne méritiez pas de savoir. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence, que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement, à cause de la multitude et de la grièveté de vos péchés et de vos attaches secrètes à vous-même. Avant de passer outre dans un désir empressé et naturel de connaître la vérité, dites dévotement à genoux l'Ave Maria Stella et le Veni Creator pour demander à Dieu la grâce de comprendre et goûter ce divin mystère. À cause du peu de temps que j'ai pour écrire et du peu que vous avez à lire, je dirai tout en abrégé.